lesson that I had to do it all on my own. Three, that's how many Hail Marys they would pray for me, thinking I was gonna end up all alone. Two for second chances that you've given me. Can it be lucky me, lucky me? Énergie Nouvelle-Calédonie. And you're listening to Energy 93.5. Bonjour, il est 6h01. Les fêtes du jour sont Gabriel, Michel, Raphaël, c'est les archanges. Il y a aussi Gabi, Michel et Michael. Voilà, Michel au féminin. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Hier, une vingtaine d'incendies ont été au total combattus en Nouvelle-Calédonie. La saison des feux commence à peine que déjà les pompiers en ont marre. La raison, les moyens mis à leur disposition sont insuffisants. Les enseignants se sont mobilisés à Nouméa, Koné, Lifou contre la violence en milieu scolaire. À l'appel de lancer par l'UT, CFE, CGC, un groupe de travail va être créé. Puis justement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui prépare la rentrée 2017. Le projet éducatif a été de remettre au cœur de l'enseignement la réussite. Le prix de la bouteille de gaz T13 va baisser de 9 francs. Elle passe ainsi de 2573 francs à 2564 francs. L'ancien directeur du renseignement intérieur, Bernard Scarsini, a été mis en examen. L'ancien responsable policier est donc mis en examen pour trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Un jeune radicalisé du Val-de-Reuil dans l'Eure, mis en examen pour consultation de sites djihadistes et remis en liberté sous contrôle judiciaire. Après la fuite, avant d'être arrêté mercredi en Bulgarie, se jouant ainsi du contrôle auquel il avait été soumis. Et puis le missile ayant détruit le vol MH13 venait de zones pro-russes. Ses conclusions vont à l'encontre de la position de la Russie qui a suggéré que le vol avait été touché par l'armée ukrainienne ce 17 juillet 2014. Enfin, après la mort de Shimon Peres, les hommages affluent. Il était le seul encore vivant des trois hommes à avoir été distingué du prix Nobel de la paix en 1994 pour leur effort en faveur de la paix au Moyen-Orient. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matério Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Allez, ce matin, un maximum de musique. On ira voir en direction du ciel, puisqu'il y a de gros nuages noirs. Vont-ils rester ou pas? Réponse dans moins de 20 minutes maintenant sur Énergie. Et puis, dans un instant, notre voyage dans le temps avec une date dans l'histoire. Mike Posner, c'est pour la musique. Be As You Are. Virginia Woolf and poetry. No one seemed to notice me. Being young is getting so old. Cheap beer and cigarettes. Life is like a movie set. And I seem to be given no role. But in times of trouble I can turn to my mother and I know that she gon' understand. So at age 18 I cried to my mother and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars that they hurt, and everybody plays the fool sometimes. Yeah, just be as you are. Oh,

Torpedo, c'est tous les jours à partir de 15h30 avec les trois brasseurs. Torpedo, c'est une émission avec plein de rock dedans, cuisiné par Laurent Navarro. Torpedo, tu peux écouter même si t'as les cheveux courts et que tu sais pas faire l'hélicoptère. Torpedo, avec les trois brasseurs. Les 3B brassent toutes les musiques. Tous les jours à partir de 15h30, pendant 20 minutes, prenez votre dose de rock, de rhythm and blues, de soul, de rock indé ou alternatif. Ça, c'est Torpedo, avec les trois brasseurs. Station. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only. Ever had, make it all better when I'm feeling sad. Tell me that I'm special even when I know I'm not. Make it feel good when I hurt so bad, barely getting mad. I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as 1, 2, 1. There's only one thing to do. Three words for you. There's only one way to say those three words, and that's what I'll do. I love you. Give me more love from the very start. Piece me back together when I fall apart. Tell me things you never even tell your closest friends. Make me feel good when I hurt so bad. Best that I've had, I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as 1, 2, 1. There's only one thing to do. Three words for you. I love you. There's only one way to say those three words. That's what I'll do. Quand de mes rimes je bois le spleen, j'essaye d'en éviter la somme. Pour pour pas finir sous aspirine. Lui éviter de poser son trône. Parfois la vie est assassine, alors doucement je l'assaisonne d'une insatiable envie d'estime, même si le disque je déraisonne. Je veux pas de déprime dans mes arômes. Si mon espoir était fragile, aujourd'hui c'est là-haut qu'il vole. Pour m'assurer qu'il soit fertile, lui qui n'est fait d'aucune tôle. J'étais assis sur un missile, mais aujourd'hui je touche le sol. Si quelques larmes touchent mes cils, c'est qu'elles doivent remplir le rôle. Je trouve ma joie la plus utile, bien la plus brave et la plus drôle. Me revoici en ville, oh je m'envole. Je m'envole, je m'envole. J'apprends comme le jeune Anakin. Pour m'en sortir j'en fais des tonnes. Je me rends la vie plus câline. Quant à ses côtés je chantonne. Je suis chargé comme une alcaline. Laisse derrière moi mes vieux fantômes. Oh, je veux pas de déprime dans mes arômes. Pas d'autres lignes qu'on me griffonne. Qu'on lise mes signes, qu'on les cajole. Je donne en prime ce qui me passionne. Oh. Rendez-vous dans le Morning d'Energy avec Matériau Center. Réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Ce matin, on va revenir encore sur une autre chanson mythique, celle-ci. Oui, Léo, My Generation, ce groupe, ce jeune groupe de la banlieue londonienne, sort le single My Generation. La puissance de ce titre reposant sur une question réponse basse batterie, puis surtout un jeu de batterie endiablé. Guitare, basse et tout ça sont là. Avec cette chanson, le groupe est propulsé devant, sur le devant de la scène. Mais ce sont surtout les paroles symptomatiques d'une jeunesse angoissée qui ronde la chanson mythique. Là, ils sont au statut digne de toute une génération. La phrase « J'espère mourir avant d'être vieux » sonne en effet comme une définition de la rock'n'roll attitude. Rendement sécurisé et adapté aux besoins de votre enfant. Enseignement au 46 27 27. À tout bout de chaussure à Auteuil. J'essaie d'organiser un week-end en famille, mais quelle galère pour tout réserver. Va sur le nouveau site reza.nc. Tu pourras réserver hôtel, gîte, restaurant, sortie en mer, karting, rando à cheval et plein d'autres activités en un clic. Avec reza.nc, tu sauras ce qui est disponible pour tes dates et tu obtiendras des promos exceptionnels partout sur le caillou. Super ! C'est quoi le nom du site ? www.reza.nc. R-E-S-A. Reza.nc. Cliquez, réservez, économisez. Après Munich, Oktoberfest débarque à Nouméa avec GBNC Events et Énergie. Retrouvez l'ambiance festive et conviviale de cette fête bavaroise, mise en musique par la fanfare Malawi, ainsi qu'une sélection de 4 groupes locaux de référence. Venez célébrer ce rendez-vous incontournable et passez de bons moments entre amis lors de ces 6 soirées gratuites. Retrouvez tout le programme d'Oktoberfest sur le Facebook GBNC Events. Attention, c'est le dernier jour pour envoyer Mélanésie au 41. Mais non, c'est pas Mélanésie qu'il faut envoyer, c'est Melbourne. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie Melbourne au 41. Énergie t'offre un aller-retour pour 2 personnes pour Melbourne. Validité 6 mois. Envoie Melbourne au 41. Et pour 368 francs, gagne un cadeau de 145 600 francs. Envoie Melbourne au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Attention, c'est le dernier jour. Tirage demain à midi en direct sur Énergie.

Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Dans la boule de cristal, je vois qu'il y a une ville qui a été citée parmi les villes les plus agréables au monde. C'est même la ville la plus agréable au monde, me dit-on. Ah, très bien, merci boule de cristal. On me dit aussi que vous irez peut-être dans les 6 mois qui viennent, à une condition. C'est laquelle ? Je vous le dis tout à l'heure. Oh non, mais c'est le voyage à Melbourne, les billets d'avion que vous offre Énergie. Il y a 2 billets, valeur 145 000 francs, vous pouvez les gagner. Le tirage au sort, c'est vendredi à midi. Envoyez Melbourne au 41 368 francs, le SMS. Qui va gagner ? Ah, j'ai pas une bonne liaison. Ah, j'ai une coupure. Attends, j'ai plus de réseau dans ma boule de cristal. On attendra vendredi. Mais oui, on peut le faire. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Il est 6h30. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Les pompiers tirent la sonnette d'alarme. Hier, une vingtaine d'incendies ont été au total combattus. La saison des feux commence à peine que déjà les pompiers en ont marre. La raison, le manque de personnel et les moyens mis à leur disposition qui sont insuffisants. D'une part, l'application smartphone de prévention de feux de forêt destinée à permettre à n'importe quel utilisateur de transmettre des infos sur les départs de feux n'est toujours pas en fonction. Puis des spécialistes de la sécurité civile en métropole devraient se rendre sur place en fin d'année pour évaluer les besoins. Trop tard, regarde le président de l'Union des pompiers. En attendant, l'incendie à l'île des Pins qui court toujours, 1500 hectares ont brûlé. Les averses attendues pour aujourd'hui devraient permettre de donner un peu de répit. Les enseignants se mobilisent contre la violence en milieu scolaire. L'appel avait été lancé par l'UTCFECG, premier syndicat de la fonction publique. Hier, le personnel s'est mobilisé, que ce soit Nouméa, Koné et Lifou. Beaucoup d'enseignants en sont victimes et ne veulent plus rentrer en classe, la peur au ventre. Une banalisation de la violence est constatée et les insultes sont devenues une façon normale de s'exprimer pour certains. Les professeurs demandent une harmonisation des sanctions. Hier, une délégation a été reçue par le président de l'exécutif et des provinces. Ils ont accepté la création d'un groupe de travail. L'ancien directeur du renseignement intérieur, Bernard Scarsini, a été mis en examen pour trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Deux cadres de la sécurité du groupe LVMH avaient également été placés en garde à vue dans cette enquête, ainsi que l'ex-patron de la police judiciaire parisienne, Christian Flech. Leurs trois gardes à vue ont été levés mardi avec convocation devant un juge à des dates ultérieures. Le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, abattu en 2014 au-dessus de l'est de l'Ukraine, a été touché par un missile Buk de fabrication russe tiré d'un village ukrainien tenu par des séparatistes pro-russes. Voilà ce qu'ont annoncé les procureurs internationaux qui ont enquêté sur ce sujet. Des conclusions qui vont à l'encontre de la position de la Russie qui a suggéré que le vol MH13 qui effectuait la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpur avait été touché par l'armée ukrainienne. Rappelez-vous, c'était le 17 juillet 2014 et aucun des 298 passagers membres d'équipage n'a survécu. Enfin, après la mort de Shimon Peres, les hommages affluent. Il était le seul encore vivant des trois hommes à avoir été distingués du Nobel de la paix en 1994 pour leur effort en faveur de la paix au Moyen-Orient, et ce après la disparition de l'Israélien Yitzhak Rabin et du Palestinien Yasser Arafat. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh. Like a flower a dark room. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like a school kid waiting for the spring. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 04 04. 6h39. Allez, l'horoscope. Ensuite, on revient avec le meilleur de la ZIC sur Energy. Il y aura notamment Shaggy. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, bon jeudi 29 septembre, l'horoscope des Béliers et votre conjoint tombera une nouvelle fois sous votre charme sans aucune résistance. Taureau, Vénus vous sera entièrement favorable, vous vous sentirez épanoui au sein de votre vie privée. Gémeaux, vous déploierez des trésors d'imagination, bien décidé à séduire. Cancer, pas très sociable aujourd'hui, il serait bon de ne pas accepter d'invitation à dîner. Lion, vous serez suffisamment en forme pour gérer les hauts et les bas. Vous vous sentirez en pleine possession de vos moyens. Vierge, la solitude vous fait peur et vous cherchez à multiplier les rencontres. Balance, vous montrez un visage radieux. Vous êtes souriant, c'est un plaisir de vous côtoyer. Scorpion, attention, la lune créera un climat de nervosité qui vous rendra très agité avec une tendance à faire des caprices. Sagittaire, vous retrouvez un équilibre, vous êtes épanoui, cela se ressent dans votre manière d'être. Capricorne, vos collègues de travail pourraient vous provoquer, ne rentrez pas dans leur jeu. Verseau, à deux, vous raisonnez avec votre cœur, les sentiments que vous nourrissez pour votre partenaire sont sincères. Et les poissons, une journée stressante pour récupérer, offrez-vous une belle séance de massage. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre, Centre-Ville, Port-Plaisance et Belleville. I wanna fly with you, baby. Let me know what I want, son. And leave the world behind. I wanna fly. So girl, I'm gonna take it to the floor now. So high. Fly high. And leave the world behind. I want. want some. And leave the world behind. Des ongles et tes doigts délicats dans

secteur demande une harmonisation des sanctions. Hier, une délégation a été reçue par le président de l'exécutif et des provinces. Ils ont accepté la création d'un groupe de travail. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prépare la rentrée 2017. Le projet éducatif a été adopté hier lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Toute la communauté éducative planche depuis janvier sur la nouvelle charte qui porte la philosophie générale du projet. 4 ambitions sont affichées: développer l'identité calédonienne, considérer la diversité des publics, ancrer l'école dans son environnement et l'ouvrir sur la région et dans le monde. Ce sont 36 fiches actions qui ont été retenues pour structurer ce plan triennal 2017-2019. Hélène Yekawe, membre du gouvernement en charge de l'enseignement. La grande philosophie, c'est d'abord un choix pour la réussite. On a essayé, je dirais, de faire qu'il soit le plus partagé possible par les acteurs, mais également les usagers de l'école. Sur l'identité calédonienne, c'est effectivement l'enseignement, je dirais, de la culture kanak qui devient une réalité. Ce sont les parcours d'orientation. L'orientation avait été souvent, je dirais, dénoncée ou déclarée insuffisante. Là, ce sera un parcours d'orientation, donc dans les projets d'établissement, la correction locale du bac, sous réserve effectivement d'un avis positif du Congrès. Le parcours civique, je dirais, qui a deux volets, mais en tout cas le parcours civique à l'école qui va préparer les élèves à développer l'engagement, le sens civique et moral. Et quand on parle aujourd'hui de violence, il est important que les institutions ou l'école rappellent que le respect de la loi est important. Pour faire le lien avec le thème toujours de la violence, il faut aussi rappeler aux parents que c'est une coéducation. L'État financera le projet à hauteur de 3 milliards de francs. Il doublera, entre autres, le budget alloué aux formations. Le Congrès donnera son avis le 19 octobre prochain, juste avant l'arrivée de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, qui devrait appuyer le projet. Le prix du gaz va légèrement baisser. Le prix de la bouteille T13, la bouteille domestique de 13 kilos, va baisser de 0,3% au mois d'octobre et en novembre prochain. Voilà ce que vient d'annoncer le gouvernement. La bouteille passe ainsi de 2573 francs à 2564 francs. Ça fait une baisse de 9 francs. La recharge de bouteille T06 coûtera 1231 francs et la T39, 7999 francs. Quant au prix du gaz vendu en vrac, il baisse de 0,5%. Cette diminution du prix est liée à celle du prix de la CAF, c'est-à-dire la valeur du produit aux portes de la Nouvelle-Calédonie, qui est en baisse de 1,2%. L'ancien directeur de renseignement intérieur, Bernard Squarcini, a été mis en examen. Et mis en examen pour trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Deux cadres de la sécurité du groupe LVMH avaient également été placés en garde à vue dans cette enquête, ainsi que l'ex-patron de la police judiciaire parisienne, Christian Flech. Leurs 3 gardes à vue ont été levés mardi soir avec convocation devant un juge à des dates ultérieures. Cette enquête, qui vise des faits de trafic d'influence, a été ouverte en marge, on le rappelle, de l'information judiciaire sur les accusations de financement par la Libye de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Et maintenant, on vous parle d'un fichier S qui se joue du contrôle judiciaire et qui est arrêté en Bulgarie. Un jeune radicalisé de l'Eure, mis en examen pour consultation de sites djihadistes et remis en liberté sous contrôle judiciaire, a pris la fuite avant d'être arrêté mercredi en Bulgarie, se jouant du contrôle auquel il avait été soumis. Ce jeune converti à l'islam avait fait parler de lui il y a tout juste une semaine. Il avait été repéré en djellaba, rôdant à l'extérieur et à l'intérieur de la faculté de droit à Rouen avec un comportement suspect. Un étudiant l'avait discrètement suivi et avait noté l'immatriculation de son véhicule avant de prévenir la police. Le missile ayant détruit le vol MH17 venait de zones pro-russes. Le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, abattu en 2014 au-dessus de l'est de l'Ukraine, a été touché par un missile Buk de fabrication russe tiré d'un village ukrainien tenu par les séparatistes pro-russes. Voilà ce qu'ont annoncé les procureurs internationaux qui ont enquêté sur ce sujet. Ces conclusions vont en fait à l'encontre de la position de la Russie, qui avait suggéré que le vol qui effectuait la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpur avait été touché par l'armée ukrainienne. C'était le 17 juillet 2014. Aucun des 298 passagers et membres d'équipage n'a survécu. Après la mort de Shimon Peres, les hommages affluent. Il était le seul encore vivant des 3 hommes à avoir été distingué du Nobel de la paix en 1994 pour leurs efforts en faveur de la paix au Moyen-Orient après la disparition de l'Israélien Yitzhak Rabin et du Palestinien Yasser Arafat. Mais il était aussi l'un des architectes du programme nucléaire d'Israël, considéré comme la seule puissance atomique militaire du Proche-Orient et de l'avance militaire de son pays, réputé comme étant à la tête de la plus formidable armée de la région. Les messages de condoléances ont immédiatement commencé à affluer du monde entier. photographié, montrant l'ampleur du respect voué à l'homme que beaucoup de dirigeants de ce monde présentent comme leur ami. Et on passe à l'info insolite. Les humoristes Golden Moustache ont parodié la chanson de Maître Gims, Sapé comme jamais. C'est un collectif qui s'amuse à imiter les prêtres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un groupe qui a été créé à l'initiative de Monseigneur Di Falco. Un groupe très sérieux et qui est composé de 3 membres du clergé du diocèse de Gap et d'Embrun. Alors du coup, il y a un petit clip. Moi, je vous propose un petit extrait JB. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baptisé comme jamais, baptisé comme jamais. Baptisé comme jamais, baptisé comme jamais. Christine et Boutin, Christine et Boutin. Allez, oui. Voilà, ils se lâchent. Bon, bien sûr, ils ont la tenue avec des petites lunettes de soleil et puis les grosses chaînes en or. Mais là, au bout, il y a une croix. Eh bien, voilà. Merci, Delphine, de cette info insolite. 7h08 à suivre. Le meilleur de la ZIC. Et il y aura la météo et tout ça. Restez avec nous, Ilo Gag et puis Van der Kroot aussi. On a une heure qui arrive bien chargée, comme les nuages d'ailleurs dans le ciel. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. Tiens, il y a une journée mondiale aujourd'hui. Il y avait longtemps. Ouais, hier, il y en avait 3.

me tiens chaud, oh le frisson jusque les os, oh et dans les veines, ouais je t'ai dans la peau, oh tes doigts frôlent mon dos, oh tu murmures ces mots, oh. Oh le frisson jusque les os, oh et dans les veines, ouais je t'ai dans la peau, oh tes doigts frôlent mon dos, oh tu murmures ces mots, oh. Que tu me retiennes et demain que tu te souviennes. Avec Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Bon, j'ai trouvé un jouet, je continue avec Brice de Nice 3. Allez, encore un petit extrait de teaser. Allez. Pouet, pouet. Bonjour. Bonjour. Vous allez où? À Osgore. Ah bah moi aussi, montez. Ouais, mais non, mais je vais trouver mieux. De la doute, tu trouveras la place des surfeurs. Ah, c'est gentil, merci. Tu te fous de ma gueule? Non, juste de ta voix. En plus, c'est un biker, toi, le mec qui est avec sa moto et le. Voilà, extraordinaire. Allez, à suivre l'info dans un instant. Sur Énergie. Et puis, vous aurez aussi les fêtes de Michael, de Raphaël et de Michel. Énergie, il est 7h30. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Salut JB, tu te fous de moi? Oui, pas encore. Allez, on reprend plus sérieusement avec l'info. Les enseignants se mobilisent contre la violence en milieu scolaire. L'appel avait été lancé par l'UTCFE-CGC, premier syndicat de la fonction publique. Hier, le personnel s'est mobilisé, que ce soit à Nouméa, Koné et Lifou. Beaucoup d'enseignants en sont victimes et ne veulent plus rentrer en classe la peur au ventre. Une banalisation de la violence est constatée et les insultes sont devenues une façon normale de s'exprimer pour certains. Les professeurs demandent donc une harmonisation des sanctions. Hier, une délégation a été reçue par le président de l'exécutif et des provinces. Ils ont accepté la création d'un groupe de travail. Les pompiers tirent la sonnette d'alarme. Hier, une vingtaine d'incendies ont été au total combattus. La saison des feux commence à peine et déjà les pompiers en ont marre. La raison, le manque de personnel et les moyens mis à leur disposition qui sont insuffisants. En attendant, l'incendie à l'île des Pins qui court toujours avec 1500 hectares qui ont été brûlés. Les averses attendues pour aujourd'hui devraient

tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis du lundi au samedi. À suivre Will.i.am avec Boys and Girls, mais maintenant c'est Albert Mélechia. Le loup, l'agneau et l'homme. Alors, je constate que face au loup, le berger ne protège pas l'agneau. Il se le réserve. Curieusement, on parle beaucoup plus de la peur du loup que de la peur de l'agneau. Et pourtant, face au boucher, il faut voir l'agneau flageolé. Le boucher, le fameux seigneur des agneaux, qui règne sur des abattoirs si bien gardés qu'aucun mouton n'en est ressorti vivant. Et là, je me permets un petit apartheid. Début d'apartheid. Selon un berger chevronné, dans les alpages, on reconnaît un loup sauvage qui vient de dévorer un mouton d'élevage à la laine qu'il dégage et qu'il vomit sur le pâturage. Mandela. Et Mandela, ça veut dire fin d'apartheid. Merci. Toujours est-il que le loup, par le lobby de la côtelette, n'a pas été loupé. Il a même été exterminé, ce qui a donné des idées à un éleveur de fruits et légumes. Pour protéger nos cerises, exterminons les oiseaux. Et si dans les contes d'antan, le loup est un grand méchant, un conteur breton un peu luberlu a écrit un conte d'aujourd'hui qui commence et se termine aussi. En Bretagne, comptons les loups. Zéro. Et selon des experts internationaux du Mercantour, il faut de tout pour faire une meute. Une meute de loups n'est pas un troupeau de moutons. Il y a le jeune loup dynamique aux dents longues qui raye la prairie. Sans pitié pour le loup loser, le loup bouc émissaire. Le loup est un homme pour le loup. Il y a le vieux loup solitaire, marginal et libertaire, le loup panard. Et il y a aussi, s'il y a des chiens loups, il y a aussi des louves chiennes qui chassent le loup. Ambiance, promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est. Et avec toutes ces louves libérées, faut-il s'étonner qu'il y ait tant de meutes recomposées? Et le loup est un symbole de virilité. La preuve, quand on parle du loup, on voit sa queue. Et le loup est un chaud lapin. Et il paraît que le premier Covid est toujours suivi par la réintroduction du loup. Et autrefois, dans les Gévaudans, il y aurait eu beaucoup plus de bergères que de bergers à avoir vu le loup. Aussi conclurai-je gaiement en vous imitant Jean de La Fontaine, moraliste animalier et fabulateur précoce. Donc je me retourne et je me grime. Voilà. Jean de La Fontaine, jeune. Et si j'écrivais une fable friponne, le grand méchant loup et les trois petites cochonnes. Voilà. Du délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls. We get pulled up way before the party. Turned up hotel lobby, fast life like a Ducati, spending money like I'm from Saudi, bagging bitches with the bad bodies, see me cooling with the black Barbies, I got brain cause she a smarty, and now I'm feeling like la-di-da-di. Hey. Wait a second, wait a minute, I don't think you're ready for it. Hey, party like a pro, baby, I don't gotta train for it. Whoa, drinking all the liquor and I ain't even paying for it. Whoa, any second, any minute, we about to see the course. In the club like we the shoe. Two more, legit. Up in this bitch and we so lit. Oh my God, oh my goodness. Feel good cause I'm sippin' on good shit. Two drinks, got two fists. Three chicks, got two, four, six cheers. Wait a second, wait a minute. Take it to the next level. Stay lit, that's so hot, got a wonderful view. I stay so fly, I flew. Yeah, baby, no lie, that's true. Yeah, baby, I'm cool, like woo. Damn, baby, I'm cool, like woo. Yeah. La journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. À suivre sur Énergie, il y aura Van der Kroot qui nous dira quel a été le premier gagnant du loto. En effet, l'Euromillion a changé sa formule depuis mercredi, donc c'est hier pour nous, et avec une formule, une cagnotte à 130 millions d'euros. Mais ça va être plus difficile à gagner suivant la nouvelle formule proposée, mais la cagnotte est énorme. Donc on reviendra sur l'histoire de ce loto. A tout de suite. L'anniversaire des célébrités avec Ramco. Ramco, c'est l'ami d'Empico. Ramco, de nouveau disponible chez Alto Marine. Et ça va se passer en musique avec l'anniversaire du pionnier du rock'n'roll, Jerry Lee Lewis, surnommé The Killer. Il est toujours parmi nous, il a 81 ans. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Et puis aussi le commissaire de police le plus célèbre de France avec Yves Régnier qui a 74 ans, c'est l'ancien commissaire Moulin. Ah oui, bon anniversaire encore à celui qui a eu un beau succès cet été avec son dernier single « Je suis comme toi ». C'est le chanteur John Maman, il a 38 ans, il chantait également avec Rimka. Touche le même, touche le même, touche le même.

tu auras d'avoir touché le ciel. Tu es le présent, l'avenir. Tu es le meilleur et le pire. Celui qui reste debout quand d'autres tombent sous les coups. Si tu lis l'indifférence dans leur regard quand tu te lances, lève les poings et recommence. À la fierté que tu auras d'avoir fui le sommeil. Tu es le présent, l'avenir. Tu es le meilleur et le pire. Celui qui reste debout quand d'autres tombent sous les coups. Et si tu lis l'indifférence dans leur regard quand tu te lances, lève les poings, saisis ta chance. Love is like a heat wave. me want you more. Couldn't leave if I want to. I wash up at your door. I know at times we break the rule. Temperatures rise when I'm with you. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Énergie, il est 8h. Bonne fête à Gabriel, à Michel, au féminin comme au masculin, Michael et Raphaël. Dans un instant, ce sera Caféine en compagnie de Karen. L'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Hier, une vingtaine d'incendies ont au total été combattus. La saison des feux commence à peine que déjà les pompiers en ont marre. La raison, les moyens mis à disposition leur sont insuffisants. Les enseignants, eux, se mobilisent à Nouméa, Koné et Lifou contre la violence en milieu scolaire. À l'appel avait été lancé par l'UTCFE-CGC. Un groupe de travail va être créé. Et justement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui prépare la rentrée 2017, le projet éducatif a été pour remettre au cœur de l'enseignement la réussite. Le prix de la bouteille T13 de gaz va baisser de 9 francs. La bouteille passe ainsi à 2564 francs. L'ancien directeur des renseignements intérieurs, Bernard Scarsini, a été mis en examen pour trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel, mais il est laissé libre sous contrôle judiciaire. Un jeune radicalisé de leur mise en examen pour consultation de sites djihadistes et remis en liberté sous contrôle judiciaire a pris la fuite avant d'être arrêté mercredi en Bulgarie, se jouant ainsi du contrôle judiciaire auquel il avait été soumis. Le missile ayant détruit le vol MH17 venait de zones pro-russes. Les conclusions vont à l'encontre de la position de la Russie qui a suggéré que le vol avait été touché par l'armée ukrainienne. Rappelez-vous, c'était le 17 juillet 2014. Enfin, après la mort de Shimon Peres, les hommages affluent. Il était le seul encore vivant des trois hommes à avoir été distingué du Nobel de la paix en 1994 pour leur effort en faveur de la paix au Moyen-Orient après la disparition de l'Israélien Yitzhak Rabin et le Palestinien Yasser Arafat. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Yokohama, l'art de la performance. Pour débuter, ce sera la Ligue des Champions. Et mené en première période, le PSG a finalement renversé Ludogorets 3-1 ce matin pour nous, pour remporter sa première victoire de la saison de la Ligue des Champions. Edinson Cavani a marqué un doublé. Et puis les grosses équipes ont douté dans le groupe, c'est le Barça s'est imposé sans convaincre. C'était face au Borussia Mönchengladbach 2-1, alors que Manchester City a été accroché par une surprenante équipe du Celtic Glasgow au terme d'un match spectaculaire 3 partout. Enfin, le sommet du soir, donc de la matinée pour nous, annoncé entre l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich, a tenu ses promesses en termes d'intensité et d'engagement. À domicile, les Madrilènes se sont imposés 1-0 grâce à un but de Yannick Carrasco. Il y avait également un match de Youth League. Le PSG n'a pas fait de quartier. Opposé comme leur aîné au club bulgare de Ludogorets, les moins de 19 ans franciliens se sont imposés 8-1. Samuel Essendé a réussi un doublé en première mi-temps et Timothy Way, le fils de Georges, a trouvé le chemin défilé à 3 reprises. Ça, c'était pour sa première titularisation. La compétition s'a promis. Djoko n'ira pas à Pékin. Diminué par une blessure au coude, Novak Djokovic a dû déclarer forfait pour le tournoi de Pékin où il espérait défendre son titre. Et l'entraîneur de hand de Nantes se paye Florent Manaudou. Et oui, l'arrivée de Florent Manaudou sur la planète handball a été accueillie glacialement par l'entraîneur de Nantes, Thierry Anty. Le coach a durement critiqué le champion olympique 2012 de natation. Je conseille à Manaudou, dit-il, de faire de la pétanque. C'est un manque de respect que de croire qu'après avoir nagé entre deux lignes, on peut être performant en D1. Si tu aimes le sport, écoute Sport News avec les pneus Yokohama chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Ah, il faut que je rebondisse sur ton info, là, parce que voilà, il y a bien des actrices qui deviennent chanteuses et des chanteuses qui deviennent actrices, n'est-ce pas? Ah oui, mais moi, je fais que citer, hein. Et ils peuvent être bons, on sait jamais. Tu peux avoir un talent, par exemple, regarde-moi, je suis bonne à tout. Si je me mets à jouer de la flûte, eh bien, je serai aussi bonne au piano. Donc, laissez Laurent Manoudou jouer au handball. Florent, mais handball. Si tu veux, Florent. Handball. Handball. Oh, et puis, si tu, mets devant la cage, je pense que déjà, les buts, ils passent pas. Ah bah voilà. Et bah voilà. Il est plus large que la cage. Et bah exact. Donc tu vois, il a déjà quelques points pour lui. Donc voilà. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter de 1975. Et puis on parlera de Robbie Williams qui revient avec The Heavy Entertainment Show. C'est son 11e album. Et notamment, il s'est inspiré de Serge Gainsbourg sur un de ses titres. Et puis il y a aussi, ce que tout le monde disait. The Weeknd, effectivement, c'est relié avec Daft Punk pour faire un titre. Ça s'appelle Starboy et vous allez pouvoir l'écouter tout à l'heure dans le Music News à 8h30. Allez, c'est parti, on écoutera aussi See You et Charlie Winston. Bienvenue sur Énergie. 93.5. Le carrelage et la faïence à prix cassé. C'est Courteau Revêt de Sol Païta. Courteau Revêt de Sol Païta, la bonne adresse pour les liquidations, les fins de série et les grosses quantités. Courteau Revêt de Sol Païta, ouvert du lundi au vendredi, zone industrielle de Païta. Courteau Revêt de Sol, le choix, la qualité, les prix. Faut laisser couler. Le Froid Bar en live présente Billy the Kick. Seul sur scène, au micro et aux machines, Billy the Kick vous fera revivre ses plus gros hits. Mercredi 28 septembre à l'endroit dès 19h, Warm Up by DJ Stan. Jeudi 29 septembre au Bohème Bar dès 20h, Warm Up by Janice. Deux soirées totalement psychédéliques et l'entrée est 100% gratuite. Billy the Kick. Toutes les infos sur le Facebook Le Froid Bar en live. Envie de découvrir les dernières tendances multimédia, high-tech et internet ? Écoutez la rubrique multimédia sur Énergie, une connexion réalisée.